les morts-nés. J'aurais aimé ne pas être né, hurlait-il, ceux que j'ai aimés, ceux de mon enfance, et à pas de chance, dont le corps était plein de blanches. Que je la hais, cette foutue merde, celle où t'es sûr de tout perdre, qui te bouffe le cœur et la tête, qui te fait crever comme une bête. Va te planquer dans un chiotte, mets-toi le cheval, mon pote, mets-toi la pompe dans le bras, et crève-moi, vraiment, à petits pas. Voilà ce que j'aurais dû leur dire, mais à 13 ans, on ne sait pas dire. Alors, je les ai regardés se brûler, se transformer, se métamorphoser, devenir des corps de pauvres défoncés que seul le manque réussissait à animer. J'ai vécu leur putain de quotidien. Croyez-moi, c'est un cercle sans fin. On exécute sans cesse que deux choses, c'est trouver l'argent et puis sa dose. Ah, tu te mets à trembler, ton corps semble se briser, il faut que tu te piques encore. Bon Dieu, c'est quand la mort? Mais j'ai rien osé leur dire, car à 13 ans, on ne sait pas dire. On veut croire qu'il faut vivre, et non, déjà survivre.